c'est le festival. Ça, c'était ton prédécesseur, François Klein, qui avait... ça, c'est tout près, là-bas. Ils avaient fait des structures comme ça. On avait fait notre festival, là-bas, à l'arrivée de la Voie Verte. Et François Klein, c'est un artiste, comment on dit, plasticien, qui fait des choses comme ça. Et on a fait notre festival avec lui. Il y avait tout ça. Ça, c'était avant, quand on faisait des manifs sur la route. Ça, c'est... C'est pareil, c'est un des premiers festivals. Ça, c'est des artistes au festival. C'était une artiste et puis une retraitée qui était venue. Voilà, François Klein. Ça, c'était toute la zone de la gare, là. Et on avait fait des... Ça, c'était pour abriter le podium avec la sono. Ça, c'était un grand stand buvette avec une éolienne. C'était... Ça, c'était la voie ferrée avant qu'elle soit piste cyclable. Voilà. Ben, nous, on était désolés. Il y avait cette voie ferrée, là. Et puis... comment les arbres poussaient dedans, hein, ça faisait des années que le train n'y passait plus. Et puis ils avaient commencé à démonter les rails. Et puis on commençait à parler de revendre les terrains à des particuliers. Donc tous ceux qui habitaient au bord, ils se faisaient des films et ils allaient voir le conseil général pour acheter le terrain de la voie. Il y avait des gens qui commençaient à piquer les pierres du ballast pour... voilà, il s'en servait comme d'une carrière. Alors nous, on a fait l'association, on s'amusait à la défricher, c'est-à-dire qu'on organisait on prenait la tronçonneuse, on allait défricher des grands bouts de voies ferrées, on allait voir les maires, on organisait des concours dans les écoles, puis on organisait une manif tous les ans, sur la route, à vélo, pour dire que c'était bien de faire ça, une piste cyclable à la place de la voie ferrée. Voilà, puis petit à petit, on est même allé jusqu'à la région pour voir les élus. On a fait un petit film vidéo aussi. Enfin, toutes les semaines, il y avait un événement pour mettre la pression, quoi. Et puis on a eu jusqu'à 500 adhérents. Voilà. Puis en 2000, ils ont fait la piste cyclable, quoi. Disons que c'était... on faisait ça aussi... on faisait des trucs rigolos, quoi. On s'amusait aussi, quoi. Enfin, on s'amuse encore, mais c'est plus pareil. C'est moins militant, maintenant, quoi. Il est pas... Bon, il est après la